Monsieur Roy Langa, bonjour. Bonjour Serge. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous signalons que Roy Langa a collaboré avec le groupe Zaïko Langa Langa. Il est auteur, compositeur, guitariste, il est chanteur en même temps. Nous allons parler de l'artiste, mais aussi découvrir qu'est-ce que l'homme est devenu à part la musique. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Comment vous vous sentez depuis votre retour au pays? Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. Pour moi, je suis très content d'être ici et de voir la famille, surtout depuis tous les changements qu'il y a au pays. Ben ouais. Et surtout, je salue tout ce qui nous écoute maintenant là, mm-hmm. et tout ce qui reste, qui regarde l'émission amicalement vôtre de Serge mm-hmm. et Virginie Lofrendi. Mm-hmm. Vraiment, je leur remercie qu'ils soient à l'écoute. Mais voilà alors, bon. Roy Langa, sur ces plateaux, en quelques mots, parcours et artiste. Il y a Roy Langa. Pour tout rafraîchir, en fait, toute sa idée n'a pas naïlé, mais tout rafraîchir, pour mémoire, il y a Balanganzembo. La union se passe par la car. Balanganzembo, yo, au composant, le la Virginie, Adeline, au Dax, Missy Libre, Espoir perdu et tout. Roy Langa, tout ça, et puis bon. D'accord, le parcours, là, vraiment, c'était comme une aventure. La carte, tout ça, qui n'a pas fait beaucoup de Saïsaki. Et comme tout le monde, tout ça, et puis, il y a un conseiller, un manager, parce qu'il y a qui écoute, et puis, tant que Kabwana, il y a un camarade, mon frère Sadrak Bola, tout le monde qui est non, tout le monde qui est composé, alors, au cas de Pantene, tout le monde qui est en Zembo, tout le monde qui est. Et j'ai vu Manoua Kouakou, mon oncle, et qui a eu mon aïe, mais pour l'instant, on a aidé parce que la peine à la reconstruction, il y a des grands aïkous. Et puis, à Robin, on a pris la conseille, va voir Yenga Yenga Junior. Et puis, Toké n'a pas Yenga Yenga Junior, on a eu qui travaille tout ça là qui. Tali à l'obi et le coin de Kitoko, au Tokota Stijo. Et en même temps, celui qui n'a oncle Babius, qui est mon mentor, Yepé à l'obi, oui, au Tokota Stijo. Donc, toujours, il y a Roxy, fait soliste, il y a un accompagnateur, il y a Lélène Sundi, il y a Kiam. Et puis, on a réussi à travailler. Et puis, la première F, on a eu ça, les acquis, beaucoup. On a eu un junior, tout côté studio, on a Minjoto. On a un studio Minjoto. Tout à l'heure, travaillé, on a eu un très très bien. On a eu un nom, une photo, ça va être deux chansons du Soso. Et puis, tu as travaillé, tu as dit, malisté, tout ça. Donc, si c'est en gros, on a fait un projet avec un poteau. Et quand on a commis un poteau, on a mis un poteau, mais je tombe sur nos disques, parce qu'il y a qui est intéressé. Tant qu'on a eu qui, à l'ouvinon, le résultat est bien. Donc, je mis ça, on a sur nos disques avec mon ancien producteur, Akoufa, personnel, Youssef Madiala. Congo Brazzaville. Et après, on a vendu la poteau, on a eu le talent à lui. Bon, on a continué, mais c'est par plaisir, c'est pas qu'on a eu ça dans la salle à côté. Carrière et quoi, Non, c'est par plaisir. C'est par plaisir, on a eu tout ça, et puis je me dis, bon, on a bien, on a sali la salle à côté, Après, on a eu ça la distro. Ils ont intitulé Zaïko, Langa Langa, Poussakuna à maman. Il y en a de numéro pochette, mon quoi rouge. Zaïko, Langa Langa, Poussakuna à maman. Oui, il y a un titre, vraiment, je le colle à Mingi parce que c'est tissé pour votre voyage quand on a en Afrique, en Europe. Je veux dire, même la Colombie, Sotali, Nango, analytique Nango. Je veux dire, je veux dire, quand on a eu ça, on a eu. Au Pestango, la maison Safari Ambiance. nous avons mis au monde et puis bon, tout travailler dans le bon pays. Si vraiment, ma comme quelqu'un qui est bien, alors par plaisir toujours, je vous ai dit bon, il faut dans ça la souris au monsieur. Mais comme ça, là, na au polypo, quatrième dimension. Il y a des gens comment ça s'appelle XOR Aemba et là, je suis à Bouzi. Je suis à Koufa Pépé, à son âme, à Bouzi, à Koufa Pépé. Et jusque-là, bon. Là, je pourrais faire tout ce que j'avais fait. Ok. Dans l'ensemble, là, je suis à Sassé de Moubinba. Et ça a intitulé Zaïko Universel. Zaïko Universel. Oui. Là, pour trouver un mot rapide. Zaïko Universel. Ah ben, ouais, mais bien qui n'a maison, comment s'appelle, j'ai oublié. Et voilà, beaucoup trouvé en haut, bon, ils sont partout en Europe, ils sont partout. Bon, alors, la RDC, la RDC, la meilleure place à la maison, mon robot, mais tu vois que maintenant, on va dire, bah, CD comme tel, vraiment, ça marche pas. Et on m'a dit que vous trouvez une stratégie pour Tchayango en ligne, quoi. Non, les en ligne. En ligne. Même dans Amazon, dans YouTube, tout ça, ils sont en ligne. Amazon, dans YouTube. Oui. Non, pas au Bétanini pour retrouver en. Mais non, tu sais, quand il a bien Roger Kianzi, on les trouvait, ils en vendent. Ils en vendent. Oui, ils en vendent. Donc, après la musique, que devient l'artiste? Après la musique, je suis père de famille. Okay. Et puis, j'ai un travail. Okay. Je peux dire que bon, je suis cuisinier professionnel. Voilà. Et, il aime son métier. Oui, voilà, là, j'adore. Donc, à part la musique, on peut aussi être un bon cuisinier. Oui, très bien. Et ça se passe bien. Très bien. Parce que je travaille quand même dans des institutions comme les Invalides. Okay. Là, il y a la Dôme des Invalides. J'ai presté là comme un cuisinier, comme seconde cuisine jusqu'à présent. Alors, vous regardez les téléspectateurs, les Congolais et les Congolaises, ceux qui vous suivent de partout, à Paris, chez vous, ici en RDC, dans notre pays. Quel message vous lancez à tout ce monde? Bon, le message que je lance à tout le monde, c'est que là, quand on revient au pays, il faut connaître un peu de pensée et de reconstruire, à penser à reconstruire le pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas la musique, bon. Il y a vraiment du boulot, il y a vraiment, je compte avoir à venir peut-être pour faire encore quelque chose, parce que là, ma tête est bourrée un peu des idées, de choses. Ok. Oui. Vous allez revenir pour développer le pays. On dit toujours ça, mais bon, si on a les moyens. Quelques coucous, vous saluez. Oui, je salue tout le monde, tout ce qui regarde cette émission, amicalement votre, et puis tout ce qui écoute mes chansons, je les salue aussi. Je salue aussi ma famille qui est restée en France. Et ma famille qui m'a bien accueilli ici au Congo. Okay. Et sans oublier le coach Audace, et Ernest Ngoyi, et mon manager Alpha Karamba. Merci en tout cas, je suis là. Je vais essayer de faire le mieux parce qu'on a un projet aussi. Et je dois avoir une douzaine de chansons au retour que je vais commencer à travailler. Bon, qui est déjà fin prêt, mais bon. Qu'on va encore retravailler et puis mettre sur le marché. Alors, un clin d'œil à tonton Hubert aussi. Ah, ça, je ne peux pas oublier. Tonton Hubert, vraiment, je ne sais pas comment dire, mais merci, tonton Hubert, parce que je suis ravi de tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait et pendant mon séjour ici. Ouais. Et vraiment, je salue la famille, j'ai salué tout le monde. Merci Roy Langa, Roger Kianzi. Ça sera encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, avant de retrouver les coachs Serge Timbombo et Enoch Kianzi, nous allons vous inviter à...